Asseyez-vous confortablement, dos bien droit, vos mains sur les genoux ou les cuisses, paumes vers le ciel. Consacrez quelques instants à apaiser votre esprit et à tourner l'attention vers l'intérieur. Placez votre paume droite contre la partie inférieure gauche de votre abdomen. Adressez-vous à l'énergie nourricière qui est en vous disant mentalement « Réveille la connaissance pure qui est en moi. » Répétez cette phrase 6 fois. Réveille la connaissance pure qui est en moi. Réveille la connaissance pure qui est en moi. Réveille la connaissance pure qui est en moi. Réveille la connaissance pure qui est en moi. Réveille la connaissance pure qui est en moi. Réveille la connaissance pure qui est en moi. Déplacez votre paume vers la partie supérieure de l'abdomen et énoncez cette affirmation libératrice. Je suis mon propre maître. Paume vers la partie supérieure de l'abdomen. Je suis mon propre maître. Répétez 10 fois. Je suis mon propre maître. Je suis mon propre maître. Je suis mon propre maître. Je suis mon propre maître. Je suis mon propre maître. Je suis mon propre maître. Je suis mon propre maître. Je suis mon propre maître. Je suis mon propre maître. Je suis mon propre maître. Placez votre paume droite sur votre cœur et énoncez la phrase « Je suis l'esprit ». Sur votre cœur, la phrase « Je suis l'esprit ». Et répétez 12 fois. Je suis l'esprit. Je suis l'esprit. Je suis l'esprit. Je suis l'esprit. Je suis l'esprit. Je suis l'esprit. Je suis l'esprit. Je suis l'esprit. Je suis l'esprit. Je suis l'esprit. Je suis l'esprit. Je suis l'esprit. Tournez la tête vers la droite. Regardez au-delà de l'épaule droite et placez la paume sur l'épaule gauche, à la base du cou. Pressez légèrement votre paume à la base du cou. Répétez-vous 16 fois : Je ne me sens coupable de rien. Dites-le avec conviction. Je ne me sens coupable de rien. Je ne me sens coupable de rien. Je ne me sens coupable de rien. Je ne me sens coupable de rien. Je ne me sens coupable de rien. Je ne me sens coupable de rien. Je ne me sens coupable de rien. Je ne me sens coupable de rien. Je ne me sens coupable de rien. Je ne me sens coupable de rien. Je ne me sens coupable de rien. Je ne me sens coupable de rien. Je ne me sens coupable de rien. Je ne me sens coupable de rien. Je ne me sens coupable de rien. Je ne me sens coupable de rien. Placez votre paume sur le front. Faites disparaître toute tension en vous massant les tempes, puis répétez-vous l'affirmation suivante. Je pardonne les autres et moi-même. Ne pensez à personne en particulier, soyez sincère. À présent, posez votre paume derrière la tête et demandez à être pardonné. Pardonne toutes les erreurs que j'ai commises, consciemment ou inconsciemment. Lâchez prise, ne vous complaisez pas dans la culpabilité. Maintenant, placez votre paume sur le sommet du crâne et massez-le en faisant 7 tours dans le sens des aiguilles d'une montre et en disant à chaque fois « Permets-moi de connaître l'éveil. » À chaque tour, vous répétez « Permets-moi de connaître l'éveil. » À présent, positionnez la main à quelques centimètres du sommet du crâne et restez immobile. Vous sentirez peut-être de l'air frais entre votre paume et le sommet du crâne. Ramenez votre main droite dans sa position initiale. Et restez assis en silence un moment avant d'ouvrir les yeux. Je vais compter de 1 à 3. À 3, vous ouvrirez les yeux, vous serez parfaitement détendu, parfaitement calme. 1, 2, 3. Ouvrez les yeux. Vous êtes parfaitement réveillé, parfaitement détendu, en pleine forme et en parfaite santé. Vous avez appris à vous pardonner. forcemajeure.com, exercice de relaxation en ligne.